Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Romans, polars, coaching ou jeunesse, écoutez-les sur votre smartphone. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible, le premier livre audio est offert. Apprentis philosophes, ce sont ceux qui ont découvert la philosophie cette année en terminale et qui se demandent à quoi sert d'étudier ces philosophes aux noms parfois imprononçables, au vocabulaire souvent incompréhensible et aux enjeux trop techniques ou trop abstraits. Et comme souvent, les professeurs oublient qu'ils ont été très jeunes, eux aussi, qu'ils ne savaient pas à quoi ça servait la philo. Et donc, nous avons choisi trois d'entre eux qui sont venus répondre aux questions que se posent les lycéens et ainsi réfléchir à leur propre pratique grâce aux questions posées par ces mêmes lycéens. Pour ce premier numéro d'Apprenti philosophe, nous avons retenu un thème. Et ce thème, c'est l'amour. Je t'aime le lundi. C'est pour savoir comment est-ce qu'on fait pour qu'un garçon tombe amoureux de nous. Merci, au revoir. Besoin de personne pour le rencontrer. Est-ce qu'on est obligé d'aimer hein, en quelques termes? C'est quelque chose que nous on choisit. Hein. Je voulais savoir si le premier amour c'était le plus puissant, si on connaîtrait mieux après. Elle est la dernière que l'on oubliera. La première fille qu'on a pris dans ses bras. Comment aborder le sujet avec une fille de la sexualité sans qu'elle nous prenne pour un homme qui aime trop les femmes? Pourquoi l'amour est aussi compliqué en général avec certaines personnes et pas d'autres? Je t'aime le mercredi et les autres jours. Est-ce qu'une amitié fille-garçon c'est possible sans ambiguïté, sans amour? Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Et ma question c'est, peut-on dire que l'amour est une illusion? Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Est-ce que l'amour vaut-il la peine d'être vécu? Je t'aimerai toujours, toujours, toujours. Mon amour fragile. Mon amour, laisse-moi un message après le bip. Alors bien sûr, philosophie, c'est l'amour de la sagesse, mais bizarrement, aucune des questions n'emportait sur la sagesse. C'était un autre type d'amour dont il était question. Bonjour Olivia Gazalet. Bonjour Adèle Fondrette. Bienvenue au Chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes prof de philo, cofondatrice des Mardis de la philo, auteure aussi. On vous doit notamment le mythe de la virilité, vous étiez venue en parler à ce même micro, ainsi que Je t'aime à la philo quand les philosophes parlent d'amour et de sexe. C'était aux éditions Robert Laffont en 2012. Bonjour Ali Ben Makhlouf. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Paris-Est Créteil, membre senior de l'Institut universitaire de France. On vous doit La force des raisons, logique et médecine aux éditions Fayard, La conversation comme manière de vivre aux éditions Albin Michel, L'identité une fable philosophique au PUF, beaucoup d'autres ouvrages dont vous étiez venu parler à ce même micro il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. On est ravis de vous avoir avec vous aujourd'hui. Merci. Bonjour Fulcran Tesserin. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de première supérieure au lycée Poincaré à Nancy, spécialiste de philosophie antique. Vous êtes également souvent venu nous parler de Platon à ce même micro. Je suis très heureuse de vous avoir tous les trois aujourd'hui dans ce studio pour répondre aux questions des lycéens qu'ils ont posées directement. Certains ont appelé, ont composé le numéro des chemins de la philosophie, ont laissé leur message. D'autres, eh bien, ont répondu au micro qu'Isis Jourda ou Manon de la Selle sont allés tendre à la sortie des lycées. Ce sont donc des questions qui s'adressent directement à vous. Avant qu'on commence, qu'on les entende et que vous tentiez d'y répondre, est-ce que vous-même vous vous souvenez en terminale, au mois de novembre, comment vous vous sentiez même par rapport à la philo? C'était l'incompréhension totale ou le coup de foudre, Olivia Gazalet? Les deux. Ah oui? Les deux. C'est-à-dire que je comprenais absolument rien à ce que racontait mon prof de philo qui était vraiment très très très fouillis, il n'y avait aucune structure. Mais en revanche, j'ai compris très vite que ce dont il parlait me passionnait. Donc j'ai absolument voulu comprendre ce qu'il racontait. C'était mon défi, c'était d'essayer de comprendre au moins 10 minutes sur une heure. Et j'ai réussi en fin d'année à comprendre un quart d'heure en continu, mais il a fallu que je m'outille. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté un dictionnaire de la philo et tous les mots, enfin, je notais. Et puis après, j'ai essayé d'intégrer ça à la maison. Mais pendant les cours, je comprenais donc pas. Donc l'amour a précédé la compréhension. C'est intéressant, la passion, vous disiez. Oui, ça a déclenché quelque chose, parce que tout à coup, c'était la première fois qu'on avait le droit d'ailleurs d'abord de penser par soi-même et de s'exprimer. Et puis, je trouvais très intéressant de poser la question du pourquoi. Parce que sans arrêt, on nous avait dit, voilà, c'est comme ça, il faut apprendre par cœur. Et là, enfin, c'était pourquoi, et on pouvait questionner toutes nos pseudo-certitudes. Et ça, j'ai trouvé ça absolument grisant. Et vous en avez fait votre métier. Oui, oui. Ali Ben Makhlou, vous vous souvenez, vous ? Oui, j'ai eu un peu de mal à distinguer entre la démarche philosophique et les références philosophiques. Et directement, le professeur de terminale parlait de Kant. Et du coup, je ne situais pas Kant dans l'ensemble des références et qu'est-ce que ça pouvait faire dans une démarche philosophique. Et donc, comme il avait vraiment beaucoup insisté sur Kant, j'ai pas eu le temps de comprendre la démarche philosophique. Donc c'était ça un peu ce va-et-vient entre la référence et la démarche qui n'était pas si clair. Et c'est après coup qu'on comprend et la référence et la démarche. C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin en tout cas. Fulcran Tesserin. Oui, alors moi j'ai un souvenir un peu mitigé. J'avais un professeur de qualité, mais enfin qui ne m'enthousiasmait pas vraiment sa classe. Et j'écoutais son cours avec plaisir, mais enfin je n'étais pas non plus tout à fait passionné par ce qu'il racontait. En revanche, il m'est arrivé de lire quelques textes qui m'avaient beaucoup plu, et je me souviens très bien d'avoir lu un texte que je n'avais pas du tout compris. Mmh. Et ça a été pour moi un défi. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on puisse écrire des choses pareilles, aussi incompréhensibles ? Et du coup, ça m'a motivé pour comprendre. Je ne sais pas si je suis arrivé à davantage comprendre maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. L'incompréhension des textes. C'est ça, voilà. Ça veut dire qu'on peut ne pas comprendre et devenir philosophe, et toujours ne pas comprendre et aimer quand même la philosophie. C'est quand même pas rien comme un... Oula, peut-être que c'est une histoire de masochisme. Voilà. En tout cas, ça veut dire que l'amour n'est pas secondaire, y compris dans la pratique de votre métier. Vous êtes prêts, on commence ? Première question, Lola, terminale ES au lycée Hélène Boucher. Attention, c'est court, mais sacré morceau. Je m'appelle Lola, j'ai 17 ans, je suis en terminale ES. L'amour fait-il le bonheur ? A-t-on besoin de se sentir aimé pour être heureux ? Deux questions en une, est-ce une même question ? L'amour fait-il le bonheur ? A-t-on besoin de se sentir aimé pour être heureux ? Ali Ben Makhlou. Oui, alors. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais la concomitance de ces deux notions, l'amour et le bonheur, est un peu finalement étonnante, parce que le bonheur, est-ce qu'il n'est pas déjà quelque chose qui est pris dans l'amour ? Si l'amour est rapporté au plaisir, et que le bonheur c'est juste un plaisir durable, du coup on va dire, est-ce que le plaisir fait le plaisir ? Mmh. Et alors donc on a quand même avec Spinoza cette définition qui est très intéressante, le bonheur c'est ce qui procure une joie continue, alors est-ce que l'amour procure une joie continue ? Procurant une joie continue, ça voudrait dire qu'il n'y a ni privation, ni jalousie, ni émotion vive. Une joie continue, c'est-à-dire celle qui ne bascule pas tout de suite en tristesse. Or, l'amour, tel qu'il est vécu, bien souvent, ramené au plaisir, eh bien, comporte cette part d'hésitation ou de balance entre tantôt l'enthousiasme, tantôt précisément la privation, la jalousie. Proust en a si bien parlé. Et en réalité, il faut, dans ce cas-là, défaire aussi cette idée que l'amour ne serait que du plaisir. Est-ce que l'amour, c'est pas un amour de sympathie, un amour de tendresse qui peut être compatible avec le charnel, mais qui est certainement sensuel, mais qui va au-delà de ce plaisir organique, direct, qui, effectivement, comme disait Montaigne, fait cette faim insatiable de la présence des corps, mais ça réduit la jouissance des âmes. Au fond, ce que vous dites, c'est la lecture de Spinoza et de Montaigne, par exemple, c'est les deux que vous citez, peut nous aider à répondre à cette question dans la mesure où on aura des distinctions entre le plaisir, la joie, le bonheur, voilà, et des définitions différentes de l'amour, c'est ça ? Exactement. Parce que la question se pose de savoir comment des textes de philosophie peuvent nous aider à répondre à cette question. Oui, en fait. Exactement. Ben justement, Spinoza, au début du traité de la réforme de l'entendement, c'est vraiment un apprenti philosophe. qu'est-ce que les gens poursuivent autour de moi, comment je vais me déterminer, ce que je veux c'est de la joie continue, comme cet élève qui dit est-ce que le bonheur je vais l'atteindre. Alors oui, mais cette joie continue elle a ses règles, il ne faut pas que, ça, que je sois ballotté par des choses incertaines ou qui basculent en mots certains. Donc si l'amour est réduit à un bien extérieur, ça c'est la terminologie classique, eh bien si c'est un bien extérieur, il va être un peu incertain quant à sa nature, certain quant à son obtention, parce qu'on arrive à avoir ce plaisir-là. Oui, mais si c'est incertain quant à sa nature, c'est qu'il va se transformer en mal. Alors, ça va pas être la joie continue. Donc là, par exemple, ça, c'est le développement de ce que l'on peut faire avec Spinoza. Mais il y a aussi Montaigne, dans le chapitre 20 du second livre des Essais, où il dit « Nous ne goûtons rien de pur ». Alors, à partir de là, on réfléchit bien comme il faut, parce que la fameuse joie continue, ça va être très très difficile si nous ne goûtons rien de pur. Nous ne goûtons rien de pur, ça veut dire que tout est mêlé dans ce que nous considérons comme l'amour, par exemple. Il va y avoir, et dit-il, si l'amour est volupté, eh bien, on n'en parle qu'avec des qualités maladives, la lenteur, la mollesse, la faiblesse. Mais ça veut dire que selon le philosophe qu'on lit, on aura une réponse différente ? Non, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'on fait son parcours à travers les références. Et là, si je reprends maintenant, une fois qu'on a étalé un peu ces références, eh bien, partir de peut-être cette définition, parce qu'elle est quand même commode, si le bonheur et la joie continuent. Et surtout, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est les conditionnels. Si le bonheur et la joie continuent, alors, c'est pas, je vais pas affirmer quelque chose. Si le bonheur est du plaisir durable et que l'amour est réduit au plaisir, alors j'ai peut-être pas dit grand chose en disant, c'est joli mon lapsus, j'ai pas non plus grandi avec le plaisir si facilement. Donc, convertissez-vous à la philosophie, en fait, c'est ça que vous dites à Lionel Maclouf. Est-ce que vous pensez qu'un élève en terminale est en mesure d'intégrer ses références, de comprendre le texte de Spinoza? Ah oui, bah, puis aussi, les six premiers paragraphes du traité de la réforme d'entendement et le chapitre 20 du livre 2 des Essais, qui est très, très, très simple sur Nous ne goûtons rien de pur, avec de très belles références à Lucrèce, comment l'amertume est liée à l'amour en sa plus grande fleur. Deuxième question, on mettra, je précise, les références que vous donnerez les uns les autres au cours de cette émission en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, des références précises, car vous le voyez bien, les réponses sont précises, les références le sont aussi, la philosophie est aussi une affaire de précision. Donc bonjour, je m'appelle Émilie, je suis en terminale, et je voudrais savoir si c'est possible d'aimer plusieurs personnes en même temps. Alors Olivia Gazalet, est-ce que la philosophie peut nous aider à répondre à cette question ? On va voir. Ouais. En tout cas, on peut partir de la définition de Spinoza, selon laquelle l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc aimer, c'est ressentir de la joie à l'idée qu'un autre être existe, à l'idée que l'être aimé existe. Donc c'est une idée qui me procure un sentiment d'augmentation de ma puissance d'exister, une affirmation de mon appétit de vivre, donc ça me porte vers le haut. La difficulté, évidemment, c'est que cette joie peut être provoquée par plusieurs personnes. Alors là, j'imagine que la jeune fille voulait parler de l'amour au sens érotisé, pas au sens éros et non pas philia, c'est-à-dire c'est pas l'amour de ses parents. Bien sûr qu'on peut aimer ses deux parents, ses frères, ses sœurs. Je pense qu'elle voulait dire est-ce qu'on peut avoir deux amoureux. Est-ce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes amoureux en même temps, hein. Voilà. Donc on est bien d'accord que c'est là-dessus que je vais me concentrer. Bah, on demandera à Émilie, mais je l'ai compris comme vous en tout cas. Donc en tout cas, cette joie d'aimer, elle peut être provoquée par plusieurs personnes. Elle n'est pas exclusive. Ce qui est exclusif, c'est le modèle amoureux qui nous impose la norme du couple monogame, fidèle et stable. Sauf que parfois, cette norme nous enferme dans des dilemmes moraux épouvantables parce que choisir l'un, c'est renoncer à l'autre et que ce renoncement peut être vécu parfois comme un véritable deuil. Alors aujourd'hui, je sais que le polyamour est très très à la mode parmi les jeunes et c'est une question qui revient assez souvent. Et la première à l'avoir théorisée, c'est une femme, une militante féministe, une femme politique, première femme ambassadrice, on doit dire maintenant, Alexandra Kollontai, au début des années 20. Et donc, elle, c'était son militantisme féministe qui parlait là parce qu'elle voulait lutter contre le mariage bourgeois qu'elle jugeait être une aliénation pour la femme qui s'est retrouvée piégée, etc. Et donc, elle avait dit on devrait pouvoir aimer plusieurs personnes. Et surtout, elle avait dit que la possessivité était l'ennemi de l'amour et qu'il fallait donc pouvoir pouvoir envisager une forme d'amour inclusif. Alors, l'exemple le plus célèbre a été pratiqué par deux immenses philosophes de polyamoureux, c'est l'exemple de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Alors, c'est amusant de revenir, si vous me permettez, sur l'histoire, comment ce pacte, ce qu'ils ont appelé le pacte, a été conclu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant que vous nous racontiez l'histoire, on entende Simone de Beauvoir parler de Jean-Paul Sartre. Avec plaisir. Parmi les Sorbonnards, on parlait d'eux en disant que c'était des hommes terribles, qui manquaient d'âme. Et en particulier, le plus terrible, c'était Sartre, disait-on, parce qu'on le considérait comme un coureur, un ivrogne et un très méchant homme. En quoi il était tellement différent des autres? Je pense qu'il était le plus sale, le plus habillé. Je crois aussi qu'il était le plus laid. Mais je me rappelle l'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne, faisant la cour à je ne sais pas quel étudiant, parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel... philosophe, ça c'était mademoiselle, je sais plus comment elle s'appelait. Enfin, et il avait un grand chapeau, il était en train de faire du charme et j'avais ricané. Simone de Beauvoir en 1976, avec les grognements de Sartre à côté, hein, qu'on devine, elle l'aimait parce que c'était le plus laid, le plus sale, pourquoi pas après tout, Olivia Gazelle. Hein. Alors en fait, on est en 1929 dans les jardins du Louvre. Sartre et Beauvoir viennent de passer tous les deux l'agrégation de philosophie en décrochant les deux premières places. Sur le thème, c'est pas innocent. Celle qui était première, quand même, précisons-le. Absolument. Mais elle a été classée deuxième. Elle a été classée deuxième, exactement. Exactement. Mais lui, il avait raté la première année. Ah voilà, c'est ça. Il était redoublant, donc ils se sont dit peut-être c'est que... C'est Aron qui est arrivé premier. Peut-être que, voilà, du fait que... Voilà, c'est ça. Du fait qu'il le repasse... bon, mais effectivement, ils étaient tous les deux brillantissimes, jeunes... Et donc, le thème était intéressant, le thème sur lequel ils ont passé l'agrégation, c'était liberté et contingence. Donc, c'est pas totalement innocent. Donc, jeune, brillantissime, révolutionnaire, et puis il s'aime d'un amour absolu, mais tellement absolu, qu'ils comprennent très vite qu'il faut à tout prix préserver cet amour comme une chose précieuse entre toutes. Mais ils sont quand même beaucoup trop lucides et intelligents pour imaginer un seul instant qu'ils pourront rester et demeurer l'un pour l'autre l'unique objet de désir et d'amour pour toute une vie. Donc Sartre a une idée géniale. Philosophe, mais pas fou. Le pacte, lucide. Le pacte. Et il le soumet à Beauvoir. Il lui dit, voilà, notre amour est nécessaire. Alors, nécessaire au sens philosophique, ça veut dire il ne peut pas ne pas être. Il est premier, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre des amours contingentes, secondaires. Alors, petite parenthèse, j'ai bien dit contingente pour les amours, parce que amour est un mot qui a cette particularité d'être masculin au singulier et féminin au pluriel. Il partage ce privilège avec deux autres mots de la langue française qui sont délice et orgue. Donc, amour, délice et orgue se disent un orgue, mais des orgues, ben je ne sais pas trouver un adjectif. Sonnante. Mélodieuse. Voilà. Voilà. Merci, sonnante. Voilà. Donc, il dit, comme ça, nous pourrons concilier confiance et liberté. Nous pourrons préserver une fidélité essentielle par-delà des infidélités accidentelles. Autrement dit, nous pourrons nous livrer pleinement à notre œuvre, tout en évitant les affres de la jalousie. Et puis, il lui dit, vous serez éternellement le charme de mon cœur et de mes yeux, l'armature de ma vie, ma conscience et ma raison. Vous êtes la consistance de ma personne et que votre esprit est si étroitement mêlé à moi qu'on ne reconnaît plus le sien du sien. Je vous aime. Et Beauvoir signe. Elle dit d'accord. Donc chacun elle a le signe. Elle dit d'accord. Oui. Nous resterons amoureux, mais nous aurons la liberté de consommer d'autres amours Exactement. Que le nôtre. Et dont acte, d'ailleurs, ce que l'un et l'autre vont faire, et elle va notamment le tromper pendant longtemps avec quelqu'un, ce qui va rendre Sartre très malheureux. Oui, la réciproque est vraie, parce que je crois qu'elle a plus souffert, je crois. Et donc, ceux qu'on a appelés les amants du flore vont aborder cette question de l'amour en intellectuel engagé, c'est-à-dire qu'ils entendent vraiment servir de modèle à une réinvention de l'amour. Donc, ils veulent en finir avec le mariage jugé bourgeois, étriqué, exclusif, hypocrite, qui entraîne beaucoup de mensonges, et ils lui opposent l'union ouverte, inclusive et transparente. Alors j'insiste sur le mot transparence parce que justement il voulait éviter le piège bourgeois entre tous du mensonge et être les apôtres de la transparence totale. Alors ils se disaient tout, ils s'écrivaient tout, ils se parlaient l'un l'autre de leurs amants et de leurs maîtresses, ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. L'idée c'est que coucher et avouer, ce n'est pas tromper. Bon. La réalité est beaucoup moins angélique que ça, parce qu'en réalité, Sartre fut toute sa vie d'une fourberie absolue envers Beauvoir. Il mentait à toute à toutes ses maîtresses. Hein. Donc votre conclusion, pour répondre à la question d'Émilie, qu'est-ce que c'est alors ? C'est pas tout à fait fini. C'est-à-dire qu'elle, elle ne mentait pas, mais elle, sa façon de gérer la chose, c'est qu'elle elle disait toute la vérité, et non seulement à Sartre, mais au monde entier, dans ses lettres, dans ses mémoires, dans son abondante correspondance. Donc en fait, l'idée, c'est qu'elle était libérée, mais intègre, vertueuse et sincère. Hein. C'est quand même la jeune fille rangée qu'elle était. Alors, le problème de ce polyamour, ici, on le voit bien, c'est essentiellement, bon, d'abord, le fait qu'on n'en finit pas avec le mensonge, mais c'est surtout le problème des tiers, ceux qui vont se retrouver piégés là-dedans, ceux qui ont été instrumentalisés comme des amours contingentes. Professeur Gazalet, il faut conclure, car il nous reste beaucoup de questions. Ah bon, et ben voilà, donc le problème, c'est que si on arrive à ça... Je pense que le polyamour est difficilement envisageable sans mensonge, ou alors il faut vraiment... une immense ouverture d'esprit, et que vraisemblablement, et c'est ce que Sartre et Beauvoir vont découvrir eux-mêmes, ils découvrent finalement que l'amour est exclusif, absolu et total. Et ils en déduisent tous les deux que l'amour est impossible et funeste et toujours malheureux. Et c'est dans cette conclusion qu'on peut ne pas les suivre. Mais j'avoue que je n'ai pas la réponse à la question, est-ce qu'on peut aimer, enfin bien sûr qu'on peut aimer, mais est-ce qu'on peut les aimer dans le bonheur? Ça, c'est plus compliqué. D'où la question, sans doute, de Brune, qui est en terminale au lycée Saint-Marc et qui a 17 ans. Donc moi, j'avais deux questions pour les apprentis philosophes. La première m'est venue après avoir vu le film Chambre 212, où à un moment, un personnage demande « Mais est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans aimer ?» Et du coup, je me suis demandé si nos relations amicales ou amoureuses étaient vraiment nécessaires pour être heureux, ou alors si on pourrait, dans un autre monde, se satisfaire seulement avec nous-mêmes, avec notre amour propre, ou encore avec nos passions, ce qu'on aime faire dans la vie. Quelle question, hein, Fulcran Tesserin. Est-ce qu'il est nécessaire d'aimer, en fait, ou est-ce qu'on peut juste se satisfaire de notre amour propre ? Oui, alors c'est une question un peu curieuse, parce que c'est une alternative. Hein. Il y aurait d'un côté la nécessité d'aimer. Je présume que c'est la nécessité de donner son amour, en tout cas d'aimer quelqu'un. Il n'est pas question ici, à première vue, de la nécessité d'être aimé. Et puis, de l'autre côté, l'autre branche de l'alternative, c'est se satisfaire de son amour propre. Alors, quand j'ai entendu cette question, mon premier réflexe a été de songer à la distinction que fait Rousseau, qui est assez connue, entre l'amour de soi et l'amour propre. Une distinction que nous trouvons dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Alors, pourquoi est-ce que je rappelle cette distinction ? Parce que nous allons voir qu'elle éclaire, je crois, la question que pose cette jeune lycéenne. Est-ce que vous voulez qu'on écoute ? Oh, on peut lire le 20 début. Secondes, oui, on peut lire. Oui, bien sûr. 10 lignes de Rousseau dans lesquelles il fait la distinction entre l'amour propre et l'amour de soi. On a la chance de l'avoir lu par Georges Clès, son auteur de s'en priver. On va pas se priver de ce plaisir. Il ne faut pas confondre l'amour propre et l'amour de soi-même. Deux passions très différentes par leur nature et par leurs effets. L'amour de soi-même est un sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation et qui, dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu. L'amour propre n'est qu'un sentiment relatif, factice, et né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, qui inspire aux hommes tous les maux qu'ils se font mutuellement et qui est la véritable source de l'honneur. L'amour de soi est nécessaire à la survie. L'amour propre, qui lui naît de la société, en revanche, n'apporte que destruction et malheur, si on suit bien Rousseau. Oui, c'est un sentiment qui nous tourmente, qui de ce point de vue rend les hommes évidemment malheureux. Et l'homme en société est un homme malheureux pour Rousseau, c'est assez connu. Donc vous voyez le partage qu'il opère. D'un côté, donc, cet instinct de conservation que nous avons en partage aussi avec les animaux. De ce point de vue, nous ne sommes pas du tout différents. Et c'est un souci de soi, de sa préservation, de son existence. Bon. Et d'ailleurs, ce sentiment tout à fait naturel peut fructifier, puisque Rousseau dit qu'il est, quand il est guidé par la raison et la pitié, il conduit à l'ensemble des vertus de l'être humain. Bon. Et puis de l'autre côté, vous avez ce fameux amour-propre dont parlait notre jeune lycéenne. Or, l'amour-propre, c'est un sentiment factice, c'est un sentiment qui résulte de la comparaison. Et Rousseau dit c'est la préférence que nous accordons à nous-mêmes. Alors nous pourrions penser que l'amour-propre se ramène à l'égoïsme. Pas tout à fait. Parce que l'amour-propre, dans la perspective de Rousseau, c'est un amour que nous avons pour nous-mêmes, naturellement, mais qui dépend de la considération que les autres nous accordent. C'est un amour qui introduit une médiation. L'amour de soi est un amour direct, je dirais, il se porte à soi-même sans qu'il y ait un tiers qui s'interpose. Or, dans l'amour propre, il y a toujours un tiers. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut exister qu'en société. Quand on est tout seul, on ne peut pas avoir d'amour propre. Hein, et ce tiers, il devient indispensable. Il devient indispensable dans la mesure où l'individu, l'homme, ne s'apprécie lui-même, ne s'estime lui-même que dans la... que pour autant qu'il pense que les autres, ou du moins certains des autres... Qu'on le regarde. Voilà, le regarde, l'estime, l'approuve, le jalouse, etc. Alors, vous voyez que si on reçoit cette définition de l'amour propre, l'alternative qui nous a été présentée tout à l'heure, eh bien, finalement, se résume à une fausse alternative. Puisqu'on ne peut pas avoir d'un côté l'amour propre et de l'autre côté l'amour. L'amour propre exige l'amour. Pour que je puisse m'aimer, il faut bien qu'on m'aime. Alors vous me direz, c'est pas tout à fait la même chose, être aimé et aimer. Enfin, vous voyez ni bien que... Ni s'aimer, voilà. Bien sûr, mais s'aimer, l'amour propre, hein, dans le cas de l'amour propre, présuppose que les autres m'aiment. En tout cas, m'apprécient, m'honorent, pensent à moi. Bon. Alors, l'alternative est la suivante. Elle revient à cela, finalement. Est-ce que on peut aimer généreusement, sans attendre... un retour, ou bien préférons-nous avant tout et d'abord être aimé. Bon. Et si on pense maintenant à l'amour de soi que nous avons laissé de côté, on pourrait critiquer Rousseau et considérer que l'amour de soi, après tout, ne s'impose pas non plus. Il ne va pas du tout de soi, cet amour de soi. Songeons par exemple à ce que nous dit Platon dans Le Banquet. Tout le monde connaît peut-être, je crois, non, le mythe. Non, vous ne connaissez pas. Alors le mythe, vous avez un fameux mythe qui s'appelle le mythe d'Aristophane, bon, que je résume à grands traits, c'est l'idée selon laquelle chacun de nous serait à la recherche de sa part manquante. Hein, nous formerions une unité qui aurait été divisée par les dieux en deux parties. Et l'amour, qu'est-ce que serait l'amour? Ça serait ce désir qui nous porte vers la partie de cet être unique que nous formions et qui a été séparé de nous. Bon, et donc... on pourrait dire, somme toute, que l'amour, c'est un amour de soi ou de ce qui est à soi. Bon. Mais Diotime, qui est un personnage du Banquet, fait une critique sévère de ce mythe, pourtant très connu et très apprécié à certains égards. C'est que ce qui est à soi ou ce qui est soi n'est pas forcément aimable. Et l'exemple que donne Diotime est tout à fait frappant. Elle dit, si votre membre est gangréné, qu'est-ce que vous faites ? Ben vous vous en séparez, vous le coupez. Donc ce qui est à vous ou ce qui est de vous n'est pas forcément bon et donc n'est pas forcément aimable. Be yourself, soyez vous-même. Très bien, mais si je suis un con, pourquoi être moi-même? Pourquoi m'aimer moi-même? Donc au fond, l'amour de soi. Vous pensez qu'on s'aime moins quand on est con? C'est pas sûr. On ne sait pas qu'on est con en général quand on est con. Oui, voilà, on ne le sait pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est au fond, est-ce que le soi est d'entrée de jeu aimable? Pourquoi faudrait-il l'aimer? Alors que nous ayons un instinct de conservation qui nous fasse prendre soin de nous, je veux bien. Mais après tout, le philosophe peut s'interroger sur la légitimité de cette... Mais alors précisément, le philosophe que vous êtes, le prof de philo, vous êtes Fulcrand Tesserin, est-ce que dans quelle mesure les textes de philosophie, vous citiez Platon notamment, vous ont été utiles dans votre vie? Je ne pose pas de questions personnelles, hein, mais parce que là, vous pouvez nous expliquer, expliquer pourquoi la question a un sens, comment une question que se pose un adolescent dans sa vie de tous les jours a un écho dans la philosophie, mais de manière concrète. Est-ce que les textes de philosophie vous ont jamais apporté une réponse ou vraiment aidé à vivre ou répondre à vos questions amoureuses? Aider à vivre, je dirais forcément, puisque je ne vois pas comment est-ce qu'on peut... Enfin, vivre... Si on doit dire ce que c'est que vivre, je ne sais pas, c'est exercer ses facultés, exercer son intelligence, c'est déployer les capacités dont la nature nous a pourvus. Et après tout, de ce point de vue, non, mais lire concrètement, un chagrin. Est-ce que ça me guérit d'un chagrin d'amour? Oui, par exemple. Ou est-ce que Platon vous enseigne quelque chose vraiment sur l'amour? Ou un roman, est-ce qu'un roman me guérit d'un chagrin d'amour? En tout cas, ça m'aide à ne pas y penser. Alors d'accord, on fait de la philo pour se divertir, pour adoucir les choses. En tout cas, si j'ai un chagrin d'amour, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? La seule chose. Non, mais vous posez atténuer... une question là. Qu'est-ce qui peut atténuer le chagrin, sinon le temps, hein, ou le fait de penser à autre chose et de voilà. J'essaie de trouver une bonne raison de se tourner vers la philosophie, mais. Je crois que la philosophie ne peut pas guérir, ne peut pas se substituer à l'absence de réciprocité dans l'amour. Non, mais je parlais pas de guérison. Je parlais d'aide, de se dire tiens, de quel type d'amour est-ce que je suis capable, de quel type d'amour j'en ai. Les questions qu'on diffuse aujourd'hui. Est-ce que ça aide directement? Je crois que ça peut contribuer à une forme de discernement. Voilà, on peut en lisant des textes, en s'interrogeant, on peut apprendre dans une certaine mesure à éclairer nos sentiments. À comprendre. Vous êtes d'accord avec ça, à ouvrir tout le champ des possibles, des choses auxquelles on n'a pas pensé, donc toutes les vies possibles, que ce soit le roman ou la philosophie, de ce point de vue-là, c'est de se dire qu'il y a plein de possibilités qui finalement auraient pu être quelque chose qui me soit advenu. Et l'idée même de vivre avec ce que ma propre vie a exclu, mais qui est une possibilité, fait que finalement c'est pas si exclu et que je vis si bien. Olivia Gazalet, la philosophie, vous êtes directement, vous avez écrit un livre, hein, Je t'aime à la philo, justement, sur la question de l'amour en philosophie. Oui, mais justement, il n'y avait aucun philosophe qui, pour moi, balayait vraiment la question de manière exhaustive. Et pour moi, le plus grand philosophe de l'amour, vous parliez du roman, c'est Proust. Vous vous rendez compte que aucun de vous trois n'encourage les étudiants à lire de la philosophie pour réfléchir sur l'amour. Ah si, parce que j'ai c'est vrai. Le contrefactuel, je voulais pas utiliser des mots un peu trop techniques, mais vivre avec toutes les possibilités qui n'ont pas été réalisées, ça c'est de la grande philosophie. Voilà, le banquet est quand même de ce point de vue-là très éclairant parce qu'il permet d'envisager plusieurs facettes de l'amour, plusieurs conceptions de l'amour, puisque ce sont des protagonistes. Chacun va donner sa définition de l'amour. Donc, il y en a bien une qui va séduire le lecteur. Et voici la question de Julie, qui est à l'école alsacienne en première, elle a 16 ans. Donc, peut-être elle ne suit que des initiations à la philosophie. Elle cite non pas Proust, mais quelqu'un d'autre. Écoutez. Ma question, c'était d'après Shakespeare, l'amour contient tout juste ce qu'il faut pour l'éteindre. Donc, est-ce vrai ou pas? D'après Shakespeare, l'amour contient tout ce qu'il faut pour l'éteindre. Est-ce que c'est vrai? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, apprenti philosophe. C'est le titre de cette émission ce matin où trois professeurs de philosophie sont venus répondre aux questions de lycéens qui viennent de découvrir la philosophie. Et on essaye de voir dans quelle mesure la philosophie est accessible aux étudiants qui ont 17 ou 18 ans, voire moins. Et dans quelle mesure est-ce qu'elle peut répondre aux questions que nous nous posons sur l'amour? Ici, bon, Shakespeare est convoqué, mais finalement... Même sans Shakespeare, la question est claire, Ali Ben Makhlouf. Est-ce que l'amour contient tout ce qu'il faut pour l'éteindre? Donc ça veut dire que l'amour est un feu, puisqu'on est pris dans l'extinction. Et en même temps, un seau d'eau, peut-être. Voilà, un feu qui se consume. Hein, voilà. Et cette idée que l'amour est un feu qui se consume, on vit trop dans cet imaginaire-là. On a tout cet imaginaire de la littérature que finalement, l'amour, c'est cette passion extrême qui nous pousse à véritablement à la peine. Et comment dirais-je? Il faut d'abord, et ça la philosophie aide beaucoup, quand j'ai commencé par dire que moi j'ai eu du mal à 17 ans de comprendre ce que c'était qu'une référence, je pourrais ajouter ce que c'était qu'un champ de présence, une référence, un cadre, un frame, etc. Et donc là, le cadre de référence de l'amour qui est un feu qui consume et qui se consume, c'est vraiment le romantisme et le pré-romantisme. C'est un cliché. Et on est... Ouais, voilà, merci. On peut dire cliché, on peut dire contexte. Parfois, les clichés ou cadre de référence sont pertinents. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Et là, c'est cette idée que finalement, je crois que c'était La Rochefoucauld qui le disait, on sent l'amour que parce que là, on a lu des choses sur l'amour. Enfin, ça fait qu'on est véritablement pris dans quelque chose qui pourrait sembler être spontané et qui finalement est complètement soit clichéique, soit complètement référencé. Et donc, l'amour qui se consume, ben, je pense que quelqu'un comme Descartes, à la même période donc de Shakespeare, était complètement révulsé par cette idée. Donc j'aborderai d'abord cette question par le contraste entre quelque chose de clichéique, de pré-romantique sur l'amour comme feu qui consume et qui se consume, avec Descartes qui disait « Arrêtons cette contradiction logique de dire que l'amour, c'est l'âme, le fait et le souffre, et que c'est une action et une passion à la fois. » Et cette contradiction logique, il disait « Moi, à un certain moment, je vais vous dire que les passions sont des passions de l'âme et des actions du corps. » Et on va distinguer, pas entre le corps et l'âme, mais l'idée qu'on ne peut pas à la fois dire à l'âme « tu fais quelque chose qui te porte tort ». Et donc, à un certain moment, il a dit « bon, ben moi, je vais finir par définir 6 passions primitives. L'amour va y figurer. Amour, haine, joie, tristesse, désir, admiration. » Et l'amour, c'est faire partie d'un tout. Et là, on n'est plus du tout dans le feu. Mmh. Donc, on n'est plus du tout dans le feu. On est l'idée de l'expansion, ça a été dit par mes collègues tout à l'heure, l'épanouissement, le se grandir, etc. Et de ce point de vue-là, c'est pas du tout le feu. Mais, tout de même, si Descartes a fait tout un traité des passions de l'âme pour resituer l'amour comme ce qui fait qu'on est parti d'un tout, la haine, c'est ce qui fait qu'on se sépare et qu'on est réduit à soi-même. On n'a pas du tout cette vision aujourd'hui parce qu'on rapporte la haine à l'agression, c'est-à-dire qu'on y met aussi le désir. Alors que pour Descartes, l'amour, la haine, le désir, c'est 3 passions différentes. Nous, on met l'amour avec le désir, on met la haine avec le désir, et donc on n'a plus du tout cette distinction importante. Et quand même, ce qu'on apprend en philosophie, c'est d'abord de distinguer des notions, et c'est important. Et de contextualiser, parce que ce que vous dites, voilà, ce que dit Descartes, on ne comprendrait pas de la même façon aujourd'hui, non, quand même. Non, parce que l'amour fait partie d'un tout, et sans le désir, on ne comprend pas. Mmh. Et pourtant, c'est bien cela. Maintenant, on va se remettre dans Shakespeare. L'amour comporte tout ce qu'il faut pour l'éteindre. Ça veut dire qu'en fait, alors éteindre, on peut quand même maintenant l'entendre en plusieurs sens. C'est pas quelque chose qui s'éteint et on n'en parle plus. Peut-être que c'est quelque chose qui s'éteint sous une forme et qui se transforme sous une autre forme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une métamorphose. Et en fait, l'amour, c'est véritablement une expérience de la métamorphose. Parce que on ne ressent plus l'amour de la même façon à l'égard des mêmes personnes. Et l'amour, passion extrême, se transforme en tendresse et sympathie. Et donc, c'est dans Ovide, les métamorphoses d'Ovide, où il dit que Apollon poursuit Daphné qui se transforme en laurier. Et c'est très, très intéressant, cette histoire de la métamorphose. Alors, effectivement, Rousseau, il a été cité, nos sentiments ne s'affaiblissent pas, ils se rectifient. Et donc, finalement, l'amour, il a aussi cette forme de rectification qui fait qu'il se transforme et il s'éteint, il renaît de ses cendres, ou il s'éteint, il se transforme, ou il s'éteint et finalement, c'est que c'était qu'un amour de vanité. Question de Tania, qui est en terminale au lycée Molière et qui reprend un peu la précédente question et votre réponse à Libé Maclouf. Écoutez. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime plus une personne, enfin, est-ce que l'amour il dure tout le temps ou c'est à la fin on s'habitue à la personne et on pense qu'on l'aime alors qu'on l'aime plus? Vous imaginez la responsabilité que vous avez, Fulcran Tesserin, de répondre à cette question, hein ? Ah oui, c'est une question difficile parce que, à nouveau, je m'affronte à une alternative, hein, puisque d'un côté il y aurait l'amour, de l'autre côté il y aurait l'habitude, et l'habitude serait l'étouffoir de l'amour. Hein, et au fond, la question suppose que il serait très difficile à l'amour de durer, hein, de persister dans le temps, hein, parce que il y a justement l'habitude. Alors, il y a un fait. Je pense qu'on doit être quand même reconnaître une chose dont tout le monde a l'expérience. Les amours éphémères, nous connaissons. C'est ce que nous connaissons, je crois, le plus fréquemment. Alors qu'il s'agisse d'un feu de paille ou d'un embrasement complet, je suis d'accord, la métaphore du feu n'est pas toujours la plus appropriée. Il faudrait peut-être corriger nos références. Mais en tout cas, on peut admettre que nous avons une expérience fréquente d'un amour passager, d'un amour contingent. Bon. Mais on a aussi à l'esprit quelques exemples de couples assez âgés qui ont atteint un âge respectable donc, et qui semblent continuer de s'aimer. Voilà. Et chaque membre de ce couple témoigne à l'autre d'une grande affection et évidemment on se demande, cette affection, est-ce encore de l'amour ? N'est-ce pas plutôt une tendre habitude ? Bon. Alors, deux remarques. de remarques à ce sujet. La question, je crois, ne se pose que si l'amour a été réciproque et partagé. Parce que si l'amour est unidirectionnel, c'est-à-dire il va dans un sens mais pas dans un autre, alors peut-être pourrait-il persister dans le temps. On avouera quand même que l'on peut se lasser d'aimer la personne que l'on aime ne vous aime pas en retour. Bon. Enfin, la question pose sur l'habitude. Hein. Oui. Est-ce que l'amour dure toujours ou à la fin, est-ce qu'on s'habitue pas, on s'habitue à la personne et on ne l'aime plus? Comme si l'habitude était le tue-l'amour, quoi. Oui, mais plus qu'une autre personne. Bien sûr. Donc, mais la question, je suppose que on fréquente la personne au moins, et que la personne a accepté qu'on la fréquente. Ouais. Donc, que dans une certaine mesure, il y a une forme de réciprocité. On pourrait d'ailleurs se dire que si l'amour n'avait pas été réciproque, peut-être ne serait-il pas exposé au danger que souligne notre jeune lycéenne, Tania. Voilà. Après tout, quand on vit avec quelqu'un, évidemment, on est confronté à sa réalité charnelle et spirituelle, et on peut être un peu déçu à l'usage. Et peut-être que de ce point de vue, d'ailleurs, l'amour de Dieu, je dis l'amour que l'on porte à Dieu, de ce point de vue-là, c'est un amour qui peut persister éternellement, puisque précisément, nous ne sommes pas dans son intimité, et lui-même est au-delà de toute réalité. Donc Dieu, de ce point de vue, ne déçoit jamais. Tandis que, pour ce qui est des hommes, quand ils s'aiment, il arrive en effet que l'amour diminue. Et il diminue d'autant plus, pourrait-on dire, qu'il n'est pas alimenté par un contre-amour. Maintenant, la question, je crois, que pose Tania, c'est que se passe-t-il quand l'amour est partagé? Est-ce qu'au bout d'un certain temps, il ne s'use pas comme toute chose? Alors, je crois que... oui, on a dit oui dès le départ, mais en même temps, je crois qu'aussi, il faut tenir compte de quelque chose. Il faut peut-être changer un peu aussi notre logiciel à propos de l'habitude. L'habitude, on l'assimile ça à la routine, à une sorte de mécanique stupide qui enferme les individus, un carcan qui les... Et puis au fond, les gens resteraient ensemble, comme ça, parce que c'est l'usage, et puis ça leur coûterait trop de se séparer, donc ils restent. Voilà. Alors, moi, je crois que l'habitude, c'est pas toujours ça. Je crois que l'habitude, elle peut aussi avoir un aspect tout à fait créateur et positif. Si vous prenez un joueur de tennis, il a acquis un certain nombre d'habitudes. Il sait positionner sa raquette, il sait positionner son corps, et tout ça sont des habitudes acquises, intériorisées, et qui lui permettent d'ailleurs de mieux jouer. Eh bien, peut-être qu'il y a, somme toute, dans l'habitude, une ressource pour l'amour, après tout. Il y aurait des habitudes comme cela qui permettraient à l'amour de durer. Alors, je ne sais pas si ça pourrait durer éternellement, mais en tout cas, ça pourrait durer un petit peu. Et vous pensez à quoi? Je ne sais pas. Par exemple, on pourrait imaginer, on pourrait évoquer la pratique de la conversation, quelque chose de cet ordre. Je pensais à l'entretien. Je pensais à l'ambiguïté du terme entretien. Ouais. L'entretien amoureux, après tout, n'est-ce pas aussi ce qui permet... précisément à l'amour d'être entretenu. Vous voyez, transformation aussi. Quand amour il y a, parce que l'entretien rend pas forcément amoureux. Sinon, moi, je serais vraiment mal, parce que c'est mon métier tous les matins. Non, mais je parle de l'entretien amoureux. Voilà, un entretien qui est... Mais justement, la pratique de cet entretien, si elle devient une habitude, peut être parfaitement de nature à entretenir l'amour. Donc, l'amour ne dure pas forcément toujours, mais voir les vertus de l'habitude permet d'entretenir cet amour. Alors, je crois qu'il ne faut pas raisonner comme cela, si vous me permettez, parce que je ne crois pas... C'était pour conclure hâtivement, pour passer à l'autre question, parce qu'il nous reste peu de temps, mais je vous en prie. On ne peut pas dire, je vais pratiquer cette habitude parce que ça va permettre à l'amour de durer. Je crois que c'est psychologiquement, ce n'est pas possible. On constate, après coup, qu'il y a des bonnes habitudes, mais... On ne peut pas attraper des habitudes pour entretenir l'amour. La dernière question sera celle de Brune. On l'a entendue tout à l'heure. Elle avait une deuxième question. Elle l'avait dit d'ailleurs dans la formulation de cette première question. Voici le deuxième volet de cette question. Et ce sera vous, Olivia Gazalet, qui lui répondrez. Ma deuxième question, elle était par rapport à la pression de la société sur nos relations amoureuses. Parce que certes, lorsque on tombe amoureux, ça se fait de manière totalement naturelle. Mais est-ce que on suit pas un petit peu un cadre imposé par la société? Par exemple, quand on est adolescent, on est censé avoir fait certaines choses. Puis ensuite, lorsqu'on grandit, on devrait avoir une relation stable. Puis on devrait avoir des enfants. Mais est-ce que on ne suit pas un peu cette norme simplement pour le regard des autres? Et est-ce qu'on pourrait pas envisager un modèle un peu plus libre où on ferait nos relations selon nous-mêmes et sans la contrainte sociale? Oui, alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a quand même un livre majeur, enfin je trouve un tout petit livre qu'on peut lire d'André Gortz qui s'appelle La lettre à D, où c'est un vieillard qui parle à sa femme qui vient de mourir, enfin qui lui adresse une lettre et ils se sont aimés toute leur vie d'un amour passionnel et il lui dit au début, tu vas avoir 86 ans, tu as perdu 15 centimètres, tu ne pèses plus que 40 kilos, mais je suis toujours aussi amoureux de toi. Donc, et il explique très bien que là, il s'agit pas d'entretenir le feu, il s'agit de faire renouveler l'amour, de le transformer et de construire sa vie autour de ce mouvement justement. Bon, enfin, alors donc pour la question sur est-ce que la pression sociale dicte nos comportements amoureux, ben, c'est une bonne question parce que c'est vrai que la pression sociale c'est quelque chose dont il est très difficile de s'abstraire, surtout lorsqu'on est jeune parce qu'on est potentiellement plus influençable et que pour ce qui est des comportements amoureux, ben, autrefois il n'y avait qu'un seul modèle qui était socialement accepté, valorisé, c'était celui du mariage d'un homme et d'une femme. Et aujourd'hui, il y a une multitude de modèles socialement acceptés, voire valorisés, notamment le célibat, qui autrefois était très mal vu, le couple homosexuel, marié ou non, les couples divorcés se sont banalisés, tout comme le mariage, la famille recomposée, etc. Mais pour autant, c'est vrai que chacun d'entre nous reste très tributaire du regard social sous bien des aspects, notamment un sur lequel j'ai choisi de me focaliser et qui est celui du choix amoureux. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux de cette personne et non pas d'une autre et quel rôle jouent les conditionnements sociaux dans cette préférence? Autrement dit, est-ce qu'on aime un être pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente socialement? Donc, est-ce qu'on va épouser un homme de pouvoir quand on est une femme pour ses qualités intrinsèques ou pour sa puissance? Et puis, de l'autre côté, est-ce qu'on va aimer une belle femme pour ses vertus ou parce qu'elle est convoitée par tous? Et là, je vais encore m'appuyer comme fulcrant sur Rousseau, qui dénonce donc la perversion de nos désirs par l'amour propre, parce que l'amour propre va nous jeter dans les bras de ceux qui nous valorisent aux yeux du monde. Hein. Donc, entre moi et mon objet d'amour, il va y avoir un troisième terme qui va s'insinuer et qui est le regard d'autrui, un regard qui est assez pesant, qui peut même être discriminant parfois, et qui va m'inviter à n'aimer une personne que si tous la jugent aimable. Donc ce sont finalement les autres qui sont investis du pouvoir de décider la valeur de celui ou celle que j'aime. Donc c'est pas que je considère autrui comme un meilleur juge que moi-même, mais ce que nous dit Rousseau, c'est que ce que j'ai désire par-dessus tout, c'est que les autres désirent ce que je possède. Donc c'est l'envie des autres qui est le signe le plus éclatant de mon bonheur. Autrement dit, on pourrait résumer par « il m'envie, donc je suis heureux ». Donc il nous explique que le choix amoureux est donc toujours un peu en quelque sorte aliéné au regard d'autrui. On a besoin que l'être aimé soit authentifié, validé, reconnu par autrui. Donc pourquoi certaines personnes ont le don de polariser tous les désirs alors que d'autres n'ont aucun succès? Pourquoi certains sont constamment sollicités, d'autres sont seuls? Est-ce qu'il y aurait une hiérarchie érotique avec des êtres qui sont plus ou moins bien placés sur ce qu'on pourrait appeler l'échelle de la désirabilité? Alors, il y a effectivement certains amoureux qui sont indifférents complètement aux normes érotiques collectives, donc une femme qui s'éprend d'un homme pauvre, sans aucune surface sociale, un homme qui va tomber amoureux d'une femme plus âgée, voire laide ou fanée, eux sont doués de doter d'une forme de souveraineté ou d'autonomie sentimentale qu'on peut leur envier, mais ils sont assez rares face à l'immense foule de ceux qui vont plutôt se fixer sur des êtres collectivement désignés comme désirables. Donc par exemple, une star, elle polarise tous les désirs et tous les fantasmes parce qu'elle cumule tous les privilèges socialement considérés comme hautement désirables, beauté, gloire, succès, argent. Donc elle va présenter ce qu'on pourrait appeler le coefficient de désirabilité maximum sur l'immense marché de la séduction. Donc dans la plupart des cas, la pression sociale dicte nos comportements, ouais, c'est ce que vous nous dites. Mais on pourrait aussi vouloir, avec Pascal, arriver à un amour plus pur, puisque lui nous met l'accent là-dessus. Vous connaissez cette pensée 5, section 5. Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Donc, où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme? Et c'est cette question difficile, justement. Est-ce qu'on peut isoler un moi hors de ce qu'il représente socialement? Et c'est tout l'intérêt du livre de Jean Kelevitch, Les vertus et l'amour, donc où il distingue intelligemment l'amour qu'on pourrait appeler amour de vanité, comme vous le disiez, dicté par la pression sociale. Et ils le distinguent de, ils appellent ça l'amateurisme. C'est-à-dire, l'amateur, c'est celui qui soupèse, qui évalue, qui compare, qui l'oppose à l'amour pur. L'amour pur se définit pour lui par la tautologie d'amour. C'est-à-dire, je t'aime parce que je t'aime, parce que tu es ce que tu es, comme Montaigne dit à la Boétie, parce que c'était toi, parce que j'étais moi. Donc, l'amour pur, nous dit Jean Kélévitch, c'est une préférence infondée, indiscutée, injustifiée, immotivée, en tout point arbitraire, qui ne renvoie à aucune raison extérieure, à aucune pression sociale, mais c'est sûrement, certainement, celui qui rend le plus heureux. Donc, si je résume, il faut lire, pour répondre aux questions sur l'amour, Spinoza, Montaigne, Rousseau. Rousseau était sur toutes les bouches aujourd'hui, c'est pourtant pas celui qui rend le plus optimiste en amour. Shakespeare peut-être aussi. Jean Kélévitch, quand même, qui fait de l'amour aussi une vertu. On mettra la bibliographie et en ligne. Et André Gortz. André Gortz, vous l'avez dit aussi, Olivia Gazalet. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous éclairer. Merci nous montrer à vous. Que les questions d'élèves en terminale ont une pertinence, y compris philosophique. Ça les aidera peut-être à se familiariser avec cette discipline. Merci Olivia Gazalet. Merci Fulcran Tesserin. Merci Ali Ben Makhlouf. Je marche un peu sur des œufs avec les femmes parce que j'ai eu une année très difficile sentimentalement. Moi aussi, j'ai eu des polyvalents dans mon salon. Ouais, mais enfin, moi, j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider. Comment ça ? J'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis la Dadjo d'Albinoni, j'ai avalé deux tubes de laxatif et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Your best just to make it quick. Pour my tin to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench the shutters. My night nurse, oh gosh, oh the pain is getting worse. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. You alone can quench the shutters. My night nurse. All the pain is getting worse. I'm hurt by love. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi, c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie. Dimanche 10 novembre est paru un entretien de l'actrice Cécile de France dans Le Monde. Elle y disait entre autres... plutôt que le regret et la frustration. Déclaration qui n'a rien d'époustouflant, que j'avais déjà pu lire ailleurs, notamment dans les livres de développement personnel, mais qui m'a pourtant complètement frappée ce jour-là. Pourquoi un tel rejet du regret ? Pourquoi est-il toujours vu comme un fardeau qu'il faut éviter ou dont il faut se débarrasser ? Et puis un matin, je ne sais pas pourquoi, je réfléchis et je m'aperçois qu'on est le 8 novembre 55. J'ai dit, merde, mais j'ai 20 ans aujourd'hui. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience et connaissance qu'on était le 8 novembre, que j'étais dans ma cellule, que j'avais 20 ans, que mes parents étaient à 20 000 kilomètres, mes amis, j'en avais pas. Et presque un peu plus qu'aujourd'hui, j'ai quelques petites larmes qui ont coulé parce que je passais mes 20 ans. C'est ma vie, mais j'en suis heureux, je la regrette pas et j'en suis fier. Et puis c'est ceux à qui ça plaît pas, je me dis oh merde, voilà. Alors pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'était Alain Delon au micro de Laure Adler. Voilà son idée, largement partagée et revendiquée, pas de regrets, surtout pas jamais. Pourquoi ? Après tout, Alain Delon pourrait avoir des regrets, ce ne serait pas si grave. Il doit bien en avoir d'ailleurs, car il y a toujours quelque chose qu'on regrette. Une personne perdue de vue, une époque de sa vie, une phrase que l'on n'a pas su dire au bon moment. C'est même sûr qu'on en a tous, car le regret, à la différence du remords, est un sentiment de douleur. Une lamentation causée par une absence et non par le fait d'avoir mal agi. Le regret se fonde ainsi sur du conditionnel, de l'hypothétique, sur du sable. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû en profiter, etc., etc. Et les occasions sont donc nombreuses. Je dois donc le dire, la vie étant selon moi un chemin fait d'une infinité de possibilités qui se réduisent à mesure de nos choix effectués et des voies que l'on n'empruntera jamais, elle me paraît de fait être le chemin du regret. De là, pourquoi ne pas vouloir s'y confronter, mais plus précisément, pourquoi penser qu'il est possible de ne pas en avoir alors que l'on passe notre temps à ne pas faire des choses, comme par exemple, je ne sais pas, des mathématiques, piloter un avion ou appeler sa grand-mère plus souvent. Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Les regrets, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est vraiment sujet à culpabilisation, frustration et souffrance. C'est tout ça à la fois réuni, avoir des regrets, parce que un regret c'est quand on a conscience qu'on ne peut plus faire machine arrière sur quelque chose. Et que ça nous ronge. Vous l'avez compris, les regrets, c'est mal. Mais vivre sans regrets, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, pas seulement de manière logique et concrète, car comme je l'ai dit, il y a plus de choses que l'on ne fait pas dans sa vie que de choses que l'on fait, et donc plus d'occasions de regretter que de ne pas regretter, mais aussi parce que l'idée de vivre sans regrets est elle-même ambivalente. En lisant plusieurs livres ou articles de développement personnel sur le sujet, j'ai en effet eu l'occasion de tomber plusieurs fois sur cette citation du philosophe stoïcien Épictète. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas regretter ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais regretter, ce qui me semble impossible ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a travaillé sur soi pour maîtriser ses regrets ? Et alors comment ? C'est bien sûr tout l'enjeu des coachs anti-regrets, mais n'est-ce pas un peu paradoxal ? Car maîtriser ses regrets, c'est faire en sorte qu'ils ne nous pèsent plus, ou au mieux qu'on y voit de l'espoir, une manière de ne pas reproduire ce que l'on n'a pas déjà fait. Mais est-ce encore des regrets s'ils ne nous pèsent plus ? Et n'est-ce pas nier leur nécessaire présence dans nos vies ? Vivre sans regrets, voilà ma question, est-ce encore vivre au sens plein ? Non, non, non, non, rien de rien. Non, non, je ne regrette de... Je ne regrette rien. À la différence d'Alain Delon, de Cécile de France ou d'une Édith Piaf revisitée, je crois qu'au contraire, il y a une foule de choses que je regrette. Peut-être qu'à la fin de ma vie, j'en aurais fait le deuil, mais d'ici là, loin d'y voir une manière de m'améliorer, je vois dans chacun de ces regrets la preuve qu'un choix a été fait, que j'ai dû renoncer par exemple donc aux mathématiques, à faire de l'avion ou tout simplement à vivre au bord de la mer. Alors bien sûr, il n'y a pas à regretter tout ce que l'on n'a pas fait, d'avoir perdu quelqu'un comme d'avoir perdu ses clés. Il y a évidemment une hiérarchie des regrets, ceux qui nous pèsent plus que d'autres. Mais les regrets sont là, implacables. Et pour faire avec, voici une ultime question. Pourquoi penser que choisir la voie du non-regret ne va pas nous faire regretter celle du regret où l'on a tant plaisir à se lamenter ? Merci beaucoup Géraldine pour cette chronique et cette question à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Salle et Isis Jourda, en compagnie de Nicolas Berger qui réalise cette émission, Anaïs Isbert, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Pierre Faucillon à la prise de son. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine, une nouvelle série sur l'intelligence artificielle. Le transhumanisme, jusqu'où l'homme doit-il s'augmenter ? L'intelligence peut-elle vraiment être artificielle ? Et peut-on tomber amoureux d'un robot? Autant de questions que nous déclinerons pour vous la semaine prochaine en compagnie de philosophes et de spécialistes comme d'habitude. D'ici là, pour réécouter cette série sur l'école de Francfort que nous avons proposée jusqu'à jeudi, ainsi que cette émission aujourd'hui Apprenti philosophe, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram où on attend vos remarques et vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.